Éclat de lumière sur Fadjet. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Victor et je vous souhaite, au nom de toute l'équipe du magazine Lumière en Art et également de l'émission Éclat de lumière, une très bonne année 2026 et que cette année soit avant tout emplie de joie, de bonheur, mais surtout, on n'oublie pas, de culture. Pour cette nouvelle année, l'équipe de Lumière en Art s'est mobilisée afin de vous proposer toujours plus de rendez-vous culturels, de recommandations et d'expositions à Nancy, en Lorraine, mais aussi partout en France. Et on va y revenir dans cette émission et par la suite. Je commence cette première émission de 2026 par vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous avez réservé à l'émission précédente avec l'association du Carré Culturel de Nancy, qui a été donc chaleureusement reçue par le public. Vos retours ont été très bons et on vous remercie pour ça. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission, la précédente et les prochaines, sur le site de Lumière en Art, mais également sur les réseaux sociaux de Lumière en Art, le Facebook, Lumière en Art et Lumière en Art officiel, l'Instagram de Lumière en Art et le TikTok, ainsi que sur le site de Fadjet, où vous pouvez nous retrouver en podcast. Pour bien débuter 2026, nous recevons aujourd'hui un artiste. Et oui, mesdames et messieurs, nous allons parler art, peinture, inspiration durant ce mois de janvier, puisque j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Marco Perna, qui vient nous parler durant une heure de son exposition qui va débuter à la médiathèque de l'Axou à la fin de ce mois de janvier et qui s'intitule Nouvel élan. Bonjour Marco. Bonjour Victor et bonjour tout le monde. Avec moi pour en parler également notre chroniqueur habituel et qui est également le directeur de Lumière en Art, Gilles Gosserez, qui vient nous parler donc pendant une heure de cette exposition et de tous les événements autour du magazine pour cette nouvelle année 2026. Bonjour Gilles. Bonjour à tous et très belle année 2026. Et oui, très belle année, on n'oublie pas de vous souhaiter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Allez, pour commencer l'émission, comme d'habitude, je vous propose de passer au spectre des invités pour faire un petit peu connaissance avec Marco. C'est le spectre des invités. Alors Marco, on va commencer très simplement par le traditionnel. Nom, prénom. Bonjour, je m'appelle Marco Perna. Je suis un artiste italien, mais je vis en France depuis 18 ans désormais, presque 19. Et donc, désormais, je suis aussi à moitié français. À moitié français, j'allais dire. Mais qui a beaucoup voyagé, de ce que j'ai compris. Oui, j'aime beaucoup voyager. Qui a beaucoup voyagé. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu donc, les raisons de cette visite, ton art, etc., etc. D'accord. Bon, l'occasion, c'est de présenter ma prochaine exposition qui sera à la médiathèque Louis Thirion de l'Axou et qui sera du 28 janvier au 21 février. Il y aura un vernissage le 29 janvier à 18h30, tout le monde est bienvenu. Et là, j'aurai l'opportunité de vous présenter mes tableaux, mais pas que. Mais pas que, et ça c'est très important parce qu'on va en reparler. Marco, il ne fait pas que peindre, il y a beaucoup d'autres choses autour de son art duquel on va reparler. Est-ce que tu peux nous donner un élément d'inspiration de ton quotidien? Ça peut être une personne, une musique, un lieu, quelque chose. Ça dépend. Moi, chaque tableau, il parle de quelque chose de différent. L'inspiration, ça peut venir de quelque chose que j'écoute à la télé, d'une expérience dans la route ou quelque chose de réflexion personnelle. Donc chaque inspiration est différente et chaque tableau, il parle de quelque chose de différent. Donc, c'est vrai que souvent je parle des problèmes de la femme, de la liberté, des dangers à la liberté de la femme. Donc j'aime bien défendre un petit peu soit les droits acquis, soit les droits qui ne sont encore pas acquis, qui sont toujours oui, loin d'être. Surtout dans ces années, oui. On l'a bien compris, il y a plusieurs éléments d'inspiration. Ouais. Alors, est-ce que je peux me permettre de demander le tout dernier élément qui t'a inspiré? Alors, le tout dernier élément, c'était justement dédié à la femme. Et c'est le tableau qui est devenu l'affiche de mon exposition. Donc, c'est une femme qui prend l'envol. Donc, ce nouvel élan, c'est justement un message d'espoir de prendre la force, de pouvoir aller au-delà des obstacles que la vie nous pose et que Donc, avoir la force et l'envie de continuer quand même à se battre pour aller au-delà et pour pouvoir finalement déployer nos ailes continuer. Et pouvoir vraiment atteindre, réaliser notre vie comme on la souhaite, pas comme on nous oblige à la vivre. Oui, effectivement. C'est déjà un très, très beau message. Et alors, pour terminer ce spectre des invités, où est-ce qu'on peut te retrouver? On va reparler de l'exposition, mais oui. Je parle au niveau des réseaux sociaux, etc. Oui, bien sûr. Bon, je suis sur Facebook, Marco Pernartiste, ou sur Instagram aussi, Marco Pernartiste, pareil. Et sinon, bon, j'ai un site... c'est toujours Marco Pernartiste. Pour changer. Le nom d'artiste, c'est souvent. Sinon, ouais. Bon, après, bon, je ne sais pas si on peut déjà commencer à parler des chansons. Sur YouTube, il y a aussi quelque chose. Mais ah, je le dirai après. Mais on va en discuter, oui. Parce que justement, c'est peut-être le moment d'en parler. Comme chaque mois, l'invité de l'émission Éclat de Lumière nous a concocté une petite playlist. Ça peut être un, deux morceaux qui le représentent, qui est en lien avec la thématique de l'émission. Et ce mois-ci, donc, Marco, tu nous as sélectionné deux morceaux de David Vie, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, en effet, c'est un ami italien qui est un très bon DJ et aime bien créer de la musique. Et donc, on se connaît depuis très longtemps, depuis 30 ans, pour une situation particulière. En effet, on a fait le cours d'élèves sur le lieutenant ensemble il y a 30 ans. D'accord, ok. Ça crée des liens. On a gardé les rapports et là, il a vu ce que j'écrivais. Et il m'a demandé d'écrire les textes pour ses chansons. Donc, je lui ai proposé des poèmes. Certaines, j'ai dû les retravailler parce que pour la chanson, il ne faut pas que le texte soit trop lyrique, on va dire. Oui, donc, d'accord. Trop compliqué. Trop abstrait. Et donc, il travaillait, il m'a proposé, on a discuté. Et finalement, je pense qu'on a sorti des morceaux qui sont pas mal. Donc, c'est toi qui as fait les paroles? Oui, j'ai fait les textes. C'est-à-dire que l'émission n'a commencé depuis pas 10 minutes, qu'on a déjà menti à nos invités, puisque nous ne parlons pas de peinture, mais bel et bien de chansons. Non, mais nous allons donc découvrir ça, donc avec un premier morceau qui s'intitule « Dis-moi un mensonge ». Oui. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu du morceau, de comment ça t'est venu? En effet, ce poème qui a été beaucoup apprécié, soit en Italie, soit en France, il a même gagné le prix du Chardon Lorraine en 2022. D'accord. J'ai cru qu'il pouvait être le premier poème à proposer à mon ami parce que j'ai toujours ressenti que les gens l'aimaient beaucoup. Au début, le mot mensonge, ça faisait peur, mais, mais après, tout le monde, il m'a toujours donné des retours. Il aimait bien, donc ça a été le premier poème que j'ai proposé, surtout parce qu'il a toujours été apprécié, même dans les concours auxquels j'ai participé. Donc, Plébiscité. C'est un texte plébiscité. Exactement. Et bien, chers auditeurs de Fadjet, on va vous laisser le découvrir. C'est donc « Dis-moi un mensonge » de David Vie. Les paroles sont signées de Marco Perna. On se retrouve tout de suite pour l'émission « Éclat de lumière » de janvier. À tout de suite. Je veux croire encore à ma vérité. journée brumeuse, j'en ai besoin pour croire encore à quelque chose. Aucun progrès n'est possible jamais si à nos certitudes on reste liés. De retour donc sur Fadjet, c'est l'émission Éclat de Lumière du mois de janvier, l'émission culturelle du magazine Lumière en Art, où nous recevons donc ce mois-ci l'artiste Marco Perna. Nous allons donc parler maintenant un petit peu plus en détail de la raison de ta venue ici, à savoir donc de l'exposition intitulée Nouvel Élan qui va commencer le 28 janvier à la médiathèque donc de l'Axou. Mais avant de venir un petit peu donc à cette exposition, de parler d'art en général, on va commencer par le commencement, Marco. Oui. Pourquoi et comment on se met à la peinture, tout simplement? Alors, moi j'ai toujours aimé dessiner, faire de la peinture. Et quand j'étais adolescent, j'allais l'été, au lieu d'aller à la mer comme tous les adolescents normaux dans mon village, moi j'allais dans l'atelier d'un peintre qui était très reconnu à son époque, et qui avait exposé partout dans le monde et qui avait pris sa retraite. Et pendant sa retraite, il avait ouvert son atelier à tout le monde. Et donc, on allait, moi, j'avais 14 ans, mais il y avait des peintres de 60 ans qui venaient aussi. C'était incroyable parce qu'il y avait un échange, une force, un esprit vraiment incroyable. Et c'est là que j'ai vraiment compris que j'aurais bien aimé faire ça. Mais j'avais compris aussi que c'était compliqué de vivre d'art. Oui. Donc j'ai fait quand même mes études d'ingénieur, j'ai un diplôme d'ingénieur en électronique. Ah oui, oui, oui. Et j'ai essayé de repousser l'envie de peindre, mais après quand je suis arrivé en France, ça a été l'occasion vraiment pour finalement mettre de côté l'ingénierie et me dédier finalement à ce que j'ai toujours aimé et voulu faire. Donc finalement, ne plus se réfréner et passer le pas en quelque sorte. C'est très courageux, hein, c'est très courageux d'ailleurs. Ouais. Donc on l'a dit, tu as été donc dans l'atelier d'un peintre. Je suppose que ce peintre, c'est Manlio Sarra, oui, si je prononce correctement. Oui, Manlio Sarra. Oui, qui est donc ça. Un peintre italien dont le style se caractérise notamment par la couleur, par une certaine vision, oui, des lignes, si je peux dire. Est-ce que tu veux nous en dire un mot pour décrire, oui, son style pour commencer? Oui, il était un post-impressionniste. D'accord. Donc, il n'aimait pas les lignes trop définies. Et en plus, il m'avait interdit d'utiliser le noir. Donc, c'est intéressant ça, d'accord. Beaucoup de choses s'expliquent. Je n'achète pas du noir. Parce que lui, il disait que le noir, il perce la toile. C'était une expression pour dire que ça n'existe pas en nature. Il donne une profondeur qui n'est pas réelle. Donc, c'est un peu triché en fait, oui, c'est un peu triché, oui, c'est ce qu'il disait. On peut faire des couleurs très sombres, mais en mélangeant d'autres couleurs, mais pas utiliser le noir. Donc lui, c'était un post-impressionniste, donc c'était exactement le style. À partir des impressionnistes qui avaient commencé à ne plus utiliser le noir, et moi je suis, même si j'ai fait une art qui est un petit peu différent, mais les bases, je les gardais. Donc, les lignes pas trop définies. Et... Mais alors, justement, c'était ma question suivante. Quel héritage est-ce que tu gardes dans ton quotidien et dans tes œuvres de cet artiste-là? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que tu lui dois précisément? Je lui dois d'abord l'amour pour l'art. Parce qu'il avait, même s'il était une personne qui avait eu un succès extraordinaire dans sa vie, il était d'une simplicité incroyable. Et. Il voulait vraiment communiquer l'amour pour l'art. Donc, il était vraiment passionné. Et cette passion, moi, ça m'a vraiment touché. Et c'est ça qui m'a fait comprendre que j'aurais bien aimé essayer de faire comme lui. Et donc, j'essaie de communiquer à ma façon, mais lui, il était vraiment extraordinaire. On te décrit énormément, que ce soit dans les articles, dans les diverses interviews que j'ai pu lire, un petit peu comme un artiste qui est abstrait, qui utilise l'abstrait. Alors, comment est-ce que tu définis cette notion d'abstrait? Est-ce qu'on peut le mettre en lien justement avec ce que Manlio Sarra t'a transmis, le post-impressionnisme, ou au contraire, il y a une volonté un petit peu de s'enlever cette étiquette justement? Oui, alors moi, en effet, j'adapte la technique au message que je vais faire passer dans le tableau. Donc, je peux faire de l'abstrait, je peux faire du figuratif. Je me sens pas à l'aise dans une cage. C'est intéressant, oui. Oui. Donc, ce qui compte pour moi, c'est passer un message et dire quelque chose de laquelle j'ai vraiment envie de parler et j'ai besoin de m'exprimer. Donc, j'utilise de l'abstrait, mais j'utilise souvent des parties dans les tableaux, par exemple figuratifs. Je fais pas du réalisme parce que depuis qu'ils ont inventé la photo, pour moi, ça ne sert à rien de refaire la place comme elle était, comme elle est. Donc, ça, si je refais la place Stanislas, par exemple, dans un tableau, c'est parce que je vais parler de quelque chose, je vais pa faire passer un message et la place sert pour expliquer ce que je vais dire. Par exemple, j'aime bien faire l'exemple d'un tableau où j'ai mis la porte de la Graffe derrière. Pas très loin d'ici, ouais. Oui, parce que j'ai découvert qu'elle arrivait jusqu'à nos jours, parce que dans le temps, elle est utilisée comme une prison. Et dans mon tableau, je parlais de la capacité de casser nos chaînes en s'ouvrant aux autres. Donc, si on arrive à parler aux autres, à s'ouvrir, on brise nos chaînes. Et donc, j'ai mis sur le fond la porte de la Graffe et j'ai mis des gens qui dansaient devant, qui brisaient les chaînes, et quelqu'un qui jouait la musique et tout ça. Et sur un côté, il y avait des gens qui étaient à l'extérieur de la prison, mais ils n'arrivaient pas à briser ces chaînes parce qu'ils n'arrivaient pas à s'ouvrir aux autres, à faire confiance aux autres. Donc, c'est pour ça. J'avoue, j'ai mis la porte de la Graffe, mais c'était pas seulement pour redessiner Pour la la voir, porte. pour la représenter. Exactement. C'était parce qu'il y avait une vraie raison dans le contexte. Donc on peut considérer que dans ton art, le message prime un petit peu et c'est le message qui dicte finalement la forme que va prendre le Exactement. tableau. Oui, c'est ça. Parce que j'ai lu également que on dit souvent que tu cherches à faire voir un petit peu plus loin que ce que l'œil perçoit. C'est une expression que j'ai vue à plusieurs reprises qui m'intéresse particulièrement. Parce que qu'est-ce que ça signifie exactement? Qu'est-ce que le spectateur doit voir? Voilà, là je suis devant un tableau de Marco Perna. Qu'est-ce que je dois chercher à voir? Quel est le message finalement? Alors. Alors, ce que je veux, c'est que le spectateur, déjà, il n'a pas peur de voir le tableau, de se rapporter au tableau. Donc, normalement, quand je mets des parties figuratives, c'est juste pour donner une clé de lecture au spectateur pour rentrer dans le tableau. Après, j'essaie pas d'imposer ma vérité. C'est une chose que je dis toujours, c'est que chacun voit le filtre, voit une œuvre d'art avec le filtre de son vécu, de son passé. Oui. Donc, ce qui compte, c'est que le tableau, il interroge le spectateur et chaque spectateur donne une réponse différente par rapport à son vécu. Des fois, on m'a donné des explications magnifiques de mes tableaux que j'aurais voulu penser moi-même. Et qui n'était pas Mais l'explication ce n'est originale. pas forcément la mienne. Et donc, je dis toujours, quand on me demande tout prix, mon explication, je dis, ça, c'est ma vérité. Mais ce n'est Ouais. pas une vérité absolue. Ce qui compte, c'est que le tableau, il doit interroger. Le vrai problème, c'est quand le tableau, il ne te dit rien. Et alors, Quand il n'est pas traversé par une oui, parce émotion. que moi, je suis pas du tout d'accord avec ce qui se passe dans l'art contemporain, qu'on met un tableau blanc. Et il y a une personne à côté qui explique pendant une demi-heure pourquoi le tableau est blanc. D'accord, C'est un tableau blanc. ok. Oui, Moi, d'accord. pour moi, l'art, c'est la chose la plus démocratique qui existe. Donc, l'art, elle parle directement à tout le monde. Et tout le monde doit donner sa réponse. Donc, c'est quelque chose dont tout le monde a besoin. Mais on a fait en sorte que désormais, les gens perdent de rentrer dans les galeries pour ne pas être traités de pas cultivés. Et une chose que ça me fait mal vraiment, c'est quand les gens m'approchent, ils me disent, la première chose qu'ils me disent, moi, je n'ai pas fait des études d'art, mais le fait de Ouais. devoir se justifier de ne pas avoir fait des études d'art, selon moi, Oui, c'est terrible. c'est terrible. Mmh, C'est bien terrible. sûr, bien sûr. Donc, ça veut dire que quand tu composes, quand tu as une idée, le paramètre accessibilité rentre quand même énormément en compte. Tu parlais tout à l'heure de l'apport de la CRAF comme pour une accès. L'art doit absolument être donc démocratique, c'est en tout cas ta vision des choses. C'est pour ça que je dis toujours que je suis vivant, mais pas contemporaine. Très belle formule également, qui pourrait faire un très beau titre, Gilles, pour l'émission de ce mois-ci. Hein. Parce que je ne m'en vais pas du tout dans l'art officiel. Un petit peu en dehors des sentiers battus, pourrait-on dire. Et c'est pour notre plus grand plaisir d'ailleurs, parce que ça nous permet d'avoir des discussions extrêmement riches. Alors, on parle d'art contemporain, mais l'art contemporain est aussi lié à l'actualité. Alors, quelle place occupe l'actualité dans ton art? Est-ce que c'est un lien ou est-ce qu'au contraire, l'art est plutôt un exutoire pour éviter peut-être de voir tout ce qui se passe autour J'arrive pas à éviter de voir. Le problème, c'est justement ça, que quand je ressens quelque chose, je suis obligé, je me sens obligé de m'exprimer, donc soit avec les pinceaux, soit avec des textes. Des fois, si j'ai fait un tableau et je ne suis pas encore satisfait, j'ai encore besoin, je rajoute un poème inspiré au tableau. On va reparler de ces fameux poèmes. au même argument, on va dire, parce que j'ai vraiment besoin de faire une réflexion. Après, je ne vais pas donner des indications que les gens doivent suivre. J'aime bien seulement que les gens puissent réfléchir. Bon, je demande justement seulement ça. La réflexion et l'émotion. Et l'émotion aussi, c'est très important. Nous allons donc continuer notre échange ensemble autour de ton art en reprécisant un petit peu. Donc, il y a quelques années, donc, tu décides de t'installer à l'Axou. Donc, pas très loin donc, du studio où nous sommes, alors que tu es donc un artiste d'envergure, hein, tu as exposé dans plusieurs pays, tu as gagné des concours. Ma question, c'est qu'est-ce que ça a changé pour toi de t'installer à Nancy, hein, on est un petit peu chauvin, enfin à côté de Nancy. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vision d'artiste? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Quelle place occupe aujourd'hui l'Axou, Nancy, la région dans ton art? Alors, je dois dire que au niveau de la possibilité de m'exprimer, de proposer mon art, c'est bien parce que il y a beaucoup plus de possibilités par rapport à l'Italie. Il y a tous les mairies ont des lieux dédiés pour les artistes qui veulent exposer. Il y a des choses sympas comme l'ouverture d'ateliers d'artistes qui permet aux voisins de savoir que tu habites à côté depuis 10 ans et s'apercevoir que tu es un artiste. Donc, selon moi, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment intéressantes pour d'opportunités pour faire de l'art. Après, une chose que c'est vraiment liée à moi et à mon art, moi je viens de Rome. Donc, je m'aperçois que dans mes toiles, depuis que je suis en France, je mets beaucoup plus de couleurs. Parce que pour survivre un petit peu au gris du ciel, de la Lorraine. Le gris nancéen, le gris de la Lorraine. Oui, pour lui empêcher de rentrer dedans, je mets quand même beaucoup, beaucoup plus de couleurs qu'avant. Qu'avant d'être annoncé, d'accord. Mal, okay. C'est pas mal, c'est intéressant. C'est apprécié, mais pour moi, c'est vraiment mon besoin. Je peux comprendre. Je tourne la tête par la fenêtre du studio, vous ne pouvez pas voir, mais je peux comprendre Marco quand il nous dit ça. Nous allons donc poursuivre dans quelques minutes notre échange. On va reparler notamment de cette exposition à l'Axou, de ce qu'on va pouvoir y retrouver, des tableaux, mais aussi de poésie et de musique. Mais nous allons faire une petite interlude musicale avec un deuxième morceau de David V qui s'intitule cette fois-ci Sur tes lèvres. Alors, est-ce que tu veux nous en dire un mot sur les paroles, l'histoire du texte ou autre? Oui, ça c'est un poème que j'ai écrit d'abord en italien. Et le titre en italien, c'est un petit peu plus long, mais je l'ai. C'est l'un des poèmes que j'ai retravaillé parce qu'il y avait des choses un petit peu trop compliquées, des mots trop compliqués. Donc, même le titre. Le titre veut dire sur tes lèvres ou le titre était radicalement différent en italien? Non, c'était pas radicalement. Différent, mais c'était... Pas la même chose, quoi. C'est pas la traduction littérale. C'était juste un petit peu plus long, mais ça voulait dire plus ou moins la même chose. Par contre, j'ai dû retravailler des parties, des poèmes, éliminer des choses, parce que effectivement, c'était un petit peu trop lyrique, on va dire, trop compliqué, avec des mots un petit peu trop compliqués pour une chanson. Ça doit être... un petit peu au-dessus de... Ça ne doit être pas vraiment plate, mais il faut que ça reste un peu plus accessible. Un peu plus accessible, c'est ça. On parlait de la démocratie et de exactement, l'accès. Exactement. Je comprends bien. Eh bien. Écoutez, chers auditeurs, on va vous laisser en juger. Ça s'intitule « Sur tes lèvres ». C'est donc de David Vie avec des paroles donc de Marco Perna. On se retrouve tout de suite pour la suite de l'émission Éclat de lumière. À tout de suite. Je suis tombée sur tes lèvres un jour de soleil. Et rien n'a plus été pareil. Du haut de ma tour d'ermite, je me suis jetée sans elle. Car je voulais encore ressentir quelque chose qui ne soit pas la douleur, qui ne me fasse pas souffrir. Mais je n'y croyais pas. Inattendu, ton regard adieu est venu pour vaincre mes doutes, pour guérir ma souffrance, pour apaiser mon tourment, pour convaincre mon incertitude. Enfin. Briser mes barrières, réduisant en miettes mes défenses, me jetant nu sur tes lèvres ouvertes. Ton sourire est désormais imprimé sur le mien, si fort qu'il me coupe le souffle. Je manque d'air, mais c'est un doux mourir. De retour donc sur Fadjet pour évoquer donc durant une heure l'art de Marco Perna en ce mois de janvier 2026. Alors on a évoqué un petit peu donc à grands traits finalement donc ton art, tes sources d'inspiration, et on va revenir maintenant un petit peu à l'actualité, parce qu'au moment où nous enregistrons cette émission, une nouvelle exposition de Marco Perna va avoir lieu donc à la médiathèque de l'Axou. C'est une exposition qui débute le 28 janvier et qui s'intitule Nouvel élan. Nous sommes le 14 janvier au moment où nous enregistrons. Nouvelle année, nouvel élan. Alors pourquoi ce titre, Marco, et quel est ce nouvel élan qui te porte finalement? D'accord. Bon, le nouvel élan, c'est quelque chose que tout le monde devrait avoir. C'est moi aussi, c'est moi le premier. Donc c'est vrai que j'ai réfléchi après que ça fait aussi nouvelle année. Oui, ben. Mais, moi, ça m'a sauté aux yeux. mais au moment où j'ai pensé au titre, je n'avais pas fait les liens. Par contre, un nouvel élan, c'est toujours avoir la force d'investir sur soi-même, d'essayer de faire plus, d'aller au-delà des obstacles. Et donc, c'est quelque chose qui est valable pour tout le monde. Dans mon exposition, je parle en particulier des problèmes de la femme et du fait que même la bataille pour les droits de la femme doit avoir un nouvel élan, parce que des fois, ça, on a l'impression qu'elle stagne un petit peu. Et donc, c'est quelque chose de général. On veut dire, on doit se dire tous de se donner un nouvel élan et essayer de faire encore plus, parce qu'on peut faire. Mais alors, toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive encore à peindre? Quel est ce nouvel élan pour toi, en particulier dans ta vie d'artiste de tous les jours? Bah, pour moi, là, La nouveauté a été le fait de commencer à être auteur des chansons. Donc, c'est très récent, cette chose sympa qui s'est rajoutée. Et ça me donne une envie d'aller encore plus. Donc, j'aime bien maintenant faire des compositions avec mes tableaux, des vidéos où je mets aussi on va en la reparler, musique oui. Et tout ça. Et donc, c'est quelque chose qui me donne plus de confiance sur le fait que ce que j'ai fait, c'était déjà pas mal et que je peux encore aller plus loin. Alors justement, bah, tu as brossé à gros traits un petit peu ce qu'on va pouvoir retrouver, mais quelles œuvres, quels modèles on pourra y retrouver? Je suppose qu'il y aura de la couleur, hein, parce qu'il oui. fait toujours aussi gris en Lorraine. Mais si j'ai bien compris, il n'y aura pas que des tableaux, on va avoir droit à autre chose lorsqu'on déambule dans cette exposition. Oui, en effet, depuis un moment, moi j'aime bien écrire des poèmes qui sont inspirés par les tableaux. Et donc, il y aura aussi des impressions avec le tableau et le poème qui est inspiré par le tableau. Donc, avec le même, qui vont parler du même argument, bien évidemment. Et donc, je proposerai aussi des impressions avec mes poèmes, mais pas sur un simple papier, avec une impression avec l'image de tableau qui, selon moi, rend plus facile pour les gens soit interpréter mieux le tableau, soit comme avoir un éclairage. Comme un éclairage sur le tableau, mais même vice-versa. Donc, regarder le tableau, ça peut aussi aider à rentrer mieux dans la poésie, dans l'argument et dans le concept qui veut exprimer la poésie. Et alors, comment ça vient? Est-ce que c'est le tableau qui vient en premier? Est-ce que c'est la poésie qui t'aide par la suite et quel est le processus? Alors, au début, j'ai commencé à écrire des poèmes justement parce que tout le monde me demandait des explications des tableaux. Donc, c'est intéressant. Les notices, mais avec donc, des rimes, des strophes. Pour pas être banal chaque fois, je me suis dit, ce serait pas mal d'écrire un poème qui parle de ma vision du tableau parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ma vérité. Mais bien sûr, bien sûr. Bien sûr. J'ai jamais voulu avoir des vérités absolues et je pense que ceux qui prétendent d'avoir des vérités absolues sont dangereux. Donc, non, moi, je propose, on va dire, ma vérité. Et donc, les poèmes, au début, c'était inspiré par les tableaux. Après, bon, avec le temps, ça est arrivé aussi que des fois, j'étais particulièrement satisfait d'un poème. Et donc, je me suis dit, bon, je vais reparler de la même chose, mais avec les couleurs. Donc, ça est arrivé aussi le contraire. Quels sentiments t'ont traversé lorsque tu as commencé à préparer cette exposition? Alors, comment elle est née, donc, cette exposition? C'est un projet de longue date? C'est quelque chose que tu as travaillé ces derniers mois? Est-ce que ça a été marqué aussi peut-être par le fait que tu as commencé à faire de la musique, à être parolier en parallèle? Là, on parlait déjà de réexposer parce que j'avais exposé en 2022 oui, la première oui, fois à la médiathèque. Et là, à l'époque, c'était encore la Covid, donc j'avais même pas pu faire un vernissage. Et donc là, j'avais envie de refaire une exposition où le public aurait pu profiter vraiment à fond de l'exposition. Moi, je vais essayer d'être là le plus de temps possible pour pouvoir communiquer avec les gens, parce que pour moi c'est important de le rapport avec les personnes, et ça donne aussi des idées pour d'autres choses à faire, d'autres... C'était ma prochaine question, justement. Tout ça. J'aime beaucoup parler avec les gens, me rapprocher, et comme j'ai dit, j'aime bien quand les gens n'ont pas peur de se rapprocher. Et j'essaie de faire tout pour qu'ils soient à l'aise. Et... Vous avez entendu, hein, ça veut dire qu'il faut aller voir absolument Marco pour lui donner vos impressions, lui donner vos vérités finalement. Exactement. Dans quelle mesure ces échanges t'inspirent? Est-ce qu'on peut penser que tu vas créer au cours de cette exposition suite à tes échanges avec avec les spectateurs? Oui, bon, je ne vais pas créer à la médiathèque parce que là, je vais vraiment dédier mon temps aux personnes qui viennent voir les tableaux. Par contre, moi j'aime bien peindre la nuit, donc peut-être je passerai des nuits dans mon atelier à mettre en couleur les arguments dont j'ai parlé dans la journée. Ça peut arriver, c'est sûr. Quel, euh, Comment est-ce que tu crées? Est-ce qu'il y a un lien entre la musique? Est-ce que tu écoutes de la musique quand tu peins ou est-ce que tu lis? Parce qu'on voit que quand tu produis souvent donc de la poésie en parallèle des tableaux. Est-ce que ce mélange un petit peu des arts se retrouve aussi dans ton processus créatif? Ou est-ce qu'il faut que tu sois concentré complètement? Non, j'écoute toujours de la musique. On va reparler des recommandations après. Non, j'écoute toujours de la musique, beaucoup de musique italienne aussi, parce que ça fait partie de mon background. Et bon, heureusement, avec Internet, on peut écouter aussi des radios italiennes et tout ça. Donc, mais j'écoute tout, donc ça m'aide. Je ne peux pas rester dans le silence. Je n'ai jamais réussi à rester. Même quand j'étais au collège, moi, je faisais mes devoirs avec la musique. Ah, c'est intéressant. J'ai jamais aimé rester dans le silence. Alors, vous avez entendu surtout, ne restez pas silencieux devant cette exposition de Marco Perna qui s'intitule « Nouvel élan ». Donc, c'est à la médiathèque de l'Axou. À partir du 28 janvier et ça s'arrête le 21 février, si je ne dis pas de bêtises. Foncez-y, c'est plein d'émotions, il y a beaucoup de messages. N'hésitez surtout pas à vous faire part de vos impressions à Marco. Pour terminer cette interview et avant qu'on passe à l'agenda local et aux interviews de recommandations, est-ce que tu accepterais de nous lire un poème? Parce qu'on a bien compris que certains poèmes seront présents dans l'exposition. Alors est-ce que tu accepterais de donner un petit avant-goût aux auditeurs d'Éclat de Lumière? Oui, avec plaisir. Alors, j'ai pensé de lire ce poème qui est dédié au rapport dans un couple qui arrive à la fin. Ah. Et ça m'a touché une fois, je l'ai fait lire à une amie, et je l'ai vu pleurer. Et ça... Donc, quand tu vois ça, tu vois que tu as touché des cordes. Et donc, je vais essayer de le lire, désolé pour mon accent. Mais il n'y a absolument aucun problème. Mais je n'ai jamais voulu travailler parce que tout le monde me dit qu'il aime bien mon accent. Donc... Ah oui, mais je crois que les auditeurs vont apprécier. Il y a une musicalité, on aime beaucoup, on aime beaucoup. Alors, le titre du poème, c'est pas la fin. C'est pas la fin du monde, mais c'est quand même la fin. Aujourd'hui ou demain, la sentence tombera, dévoilant une vérité qu'on ressentait déjà. Même si on ne le savait pas et qu'on ne s'en était pas aperçu, même si on ne l'aurait jamais cru et que ce n'était pas prévu. C'est vrai, c'est pas la fin du monde, mais c'est quand même la fin. Attendre, prolonger, rallonger, recoudre, pardonner, recomposer. Et ensuite, il n'y aura pas d'ensuite, même s'il y aura un après. Un après qui n'aura pas le goût d'avant, ni même son fumé époustouflant. Un après rempli de vide, aussi profonde que nos rides. Un après où on ne se retrouvera pas et qu'on ne voudra pas. Mais on n'aura pas vraiment le choix, car la vie présente est notre mère des fois. Waouh, merci beaucoup Marco Perna pour donc cette poésie, ce poème donc qui témoigne de votre talent à la fois à écrire mais aussi à peindre. Je rappelle donc cette exposition Nouvel Élan qui se tiendra du 28 janvier au 21 février à la médiathèque de l'Axou. Foncez-y, vous pourrez y rencontrer Marco qui est un personnage fort sympathique et vous pourrez lui donner vos vérités, qui sait peut-être que ça l'inspirera pour une de ses futures œuvres. De toute façon, tu restes avec nous pour la suite donc de l'émission. On va passer tout de suite donc à l'agenda local d'Éclat de Lumière parce qu'on a un certain nombre d'informations à vous donner. C'est l'agenda local. L'agenda local d'Éclat de Lumière. Nous ne pouvons faire l'impasse dans ces belles agendas donc sur cette exposition Nouvel Élan. Je tiens encore à rappeler les dates qui se tiendra donc à la médiathèque de l'Axou du 28 janvier au 21 février avec un vernissage le 29 janvier pour toutes les personnes. Allez-y nombreux donc n'hésitez pas avec l'artiste donc Marco Perna. Un joli moment de partage qui sera très agréable donc venez nombreux. Nous avons ensuite donc, on vous en a parlé un petit peu sur les différents réseaux sociaux de chez Lumière, donc l'exposition Toutankhamon à la découverte du pharaon oublié qui se tient encore jusqu'au 31 mars 2026. C'est une exposition, ma foi, très immersive, très pédagogique, et j'ai eu des retours de nombreux enseignants étant moi-même professeur d'histoire-géographie. C'est érudit, complet, allez y faire un tour de toute urgence pour s'immerger dans le monde merveilleux des pharaons. C'est prévu pour petits et grands, je pense que tout le monde peut y trouver son son compte. Et enfin donc, avant d'aborder le gros sujet de cet agenda, je termine par cette magnifique déambulation donc intitulée Luminescence saison 4 Fiesta Latina. C'est la quatrième édition, les retours sont absolument élogieux donc pour cette déambulation lumineuse de plus d'un kilomètre dans les allées du zoo d'Amnéville. Plus de 10 000 installations pour vous plonger au cœur de l'Amérique latine avec en décor de fond donc les animaux du zoo. Foncez-y, il n'y a déjà plus beaucoup de place donc je pense que ça vaut vraiment la peine de vous y rendre. Pour terminer cette partie donc d'agenda, je tiens à laisser la parole à Gilles qui va nous parler un petit peu du magazine et des prochains événements en lien avec Lumière, avec nos partenaires. Gilles, c'est à toi. Bien. En fait, quelques mots sur le magazine papier, donc le nouveau support format poche qui fonctionne bien, bien, bien. On a été agréablement surpris par les retours et par le rayonnement. Ça s'accélère au niveau du rythme, on affine les rubriques, les contenus. Et en fait, je pense qu'il y a une belle synergie qui s'opère autour du support papier et avec une interface entre le digital, entre le webzine et le support papier, l'un renvoyant à l'autre. Et c'est pas mal du tout parce que ça permet de toucher davantage encore de lecteurs par milliers et qu'on remercie parce que c'est en croissance très très forte d'après ce qu'on a pu évaluer. Alors, dans les prochains événements, bien évidemment, sur janvier, on a longuement insisté, puisque c'était notre choix coup de cœur d'un artiste que vous avez un peu percé à jour, dont on a un peu levé le voile un peu sur son mystère avec Marco Perna, et on vous donnera encore rendez-vous très nombreux le 28 janvier, donc ça approche à grands pas pour cette belle exposition et nous, on va accompagner cet élan. Voilà, bel élan au niveau communication pour que vous soyez vraiment nombreux à découvrir ces facettes d'un bel artiste. Alors, le temps fort de janvier sera autour de l'événement qui est la Nuit de la Lecture. Nuit de la Lecture avec donc un temps fort sur cet événement qui sera donc bientôt, puisque c'est le jeudi 22 de 18h à 21h à la Bibliothèque universitaire de Lettres, à la Fac de Lettres de Nancy. Et on est ravis puisqu'on met en place toute une démarche de partenariat avec l'Université de Lorraine. On vous donne rendez-vous très nombreux à cette belle soirée qui sera vraiment très intéressante. C'est la 10e édition de la Nuit de la Lecture, qui est un événement national. Parrainé sous l'égide du ministère de la Culture. Et cette année, pour cette 10e édition, on a comme thème « Ville et campagne ». Voilà, et on tient beaucoup à ce que cet événement soit encore une belle réussite. Et on ne saurait trop vous inviter, si vous ne le connaissez pas encore, à cette petite déambulation, cette petite balade donc au cœur des facs et à la Bibliothèque universitaire de Nancy. Et puis, on va enchaîner après vers d'autres événements où, effectivement, on aura l'occasion de faire un temps fort autour de Diwan en Lorraine avec le festival, qui est plus qu'un grand événement maintenant en Grand Est, livre d'ailleurs. N'en dis pas trop, Gilles. On va sans doute retrouver ça prochainement à la radio. Voilà. Et vous verrez, vous allez être ravis avec la surprise. Cette année, le thème, c'est l'Afrique et il y a une grande dame de lettres de l'océan Indien, je n'en dis pas plus. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et puis, pour terminer, un mois, des semaines qui vont être très, très cinéma. On va approcher à grands pas, après de la fin de l'hiver et du printemps, avec des événements cinéma. Donc, beaucoup, on les accompagnera, auront un beau rayonnement sur le Grand Nancy, même si certains points forts sont ancrés dans les Vosges, avec Épinal fait son cinéma notamment. Et puis, on a également des coups de cœur et une exposition qu'on accompagnera au niveau de Lumière avec des œuvres totalement nouvelles de l'artiste Jean-François Vineau, dont on aura l'occasion de vous reparler. Et encore avec, voilà, cette fois-ci, la photographie, la créativité, plein, plein de belles surprises. Donc, c'est les résolutions qu'on vous souhaite de prendre cette année, c'est de suivre nos coups de cœur, nos petites suggestions qui sont très, très variées. Vous les entendrez de toute façon à la radio tous les mois sur Fadjet. Hein. Vous ne les manquerez pas à travers les agendas. Nous allons terminer donc en rentrant dans la dernière partie de cette émission. C'est l'heure donc de l'interview mise en lumière. Et donc ce mois-ci, c'est notre invité Marco qui va s'y prêter. L'interview mise en lumière, je vous le rappelle, ce sont donc des questions afin de mettre en lumière d'autres artistes, de la musique, du cinéma, des livres. Donc c'est le moment, chers auditeurs, de prendre vos petits calepins et de noter les recommandations de Marco qu'il va vous donner dans quelques instants. Marco a décidé donc de faire cette interview alors qu'il ne connaissait pas les questions à l'avance. On va voir donc ce que ça va donner. Alors Marco, quel est le dernier livre que tu as lu ou quel est ton livre de chevet, le livre que tu préfères ? Alors, je suis un petit peu désolé, mais je lis beaucoup en italien. Ah, c'est pas donc, grave. Là, peut-être que ça sera traduit, peut-être. Je ne peux pas être beaucoup d'aide, peut-être. Après, je lis aussi beaucoup de poèmes aussi de collègues, parce que j'ai quand même un réseau assez grand en Italie. On se partage des fois des choses. Donc, même des poètes contemporains, vraiment dans le vrai sens de la parole. Le bon sens du mot contemporain. Dans le bon sens du contemporain. Et aussi, souvent, on me demande de faire le jury dans des concours. Donc, oui. Donc, je lis pas mal de choses, mais c'est presque tout italien. Est-ce que tu as... Alors, on va adapter un petit peu les questions. On va adapter un peu le concept. Est-ce que tu as un auteur italien qui te semble incontournable et sur lequel on devrait, si ce n'est le lire, au moins se renseigner pour connaître un petit peu mieux? Alors, moi, je vais dire un auteur qui vous connaissez aussi, donc Umberto Eco. Ah, bien sûr. Comme ça. Bien sûr. Comme alors là, ça, je suis tranquille. Et c'est trouvable en français, pas d'excuse. Oui. Le nom de la rose. Le titre en français, ça oui, c'est ça. C'est ça, c'est le nom de la rose. C'est le nom de la rose. Okay. Oui, c'est exactement le même. Donc ça, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, j'ai aimé aussi le film, mais le livre, je trouve que ça va encore plus à fond. Ça... Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment aimé la littérature. Ah, c'est un texte qu'on peut qualifier d'important. Oui, alors, oui, surtout sûr. À l'heure actuelle, je pense que ça me paraît essentiel de le relire et de se renseigner un petit peu. Exactement. Sur la vie aussi de Umberto Eco. Oui, pour les arguments qui est traité, sur le fondamentalisme dans la religion aussi. Ah, oui, oui, donc, il y avait beaucoup des... de choses. Là, et j'en profite, même s'il n'est pas à la hauteur du texte, pour vous recommander le film que j'ai découvert il y a peu et qui est vraiment très bien également. Alors, on a parlé un petit peu de ton exposition tout au long de cette heure sur Fadjet, oui. Mais est-ce que tu as une exposition, un spectacle vivant que tu aimerais recommander à nos auditeurs, quelque chose que tu as vu et qui t'a plu récemment? Alors, spectacle... Ou exposition, oui, peu importe. J'ai des amis, je fais partie d'un groupe d'artistes qui s'appelle Les Sept Clés. Mmh. Et il y a Romain, notre président, qui va exposer le 7 et 8 mars pour la fête de la femme, on va dire. Donc, les droits de la femme. Donc, son exposition sera aussi sur un argument auquel je tiens. Et donc, un message qui tient à cœur. Je vous suggère d'aller voir son exposition. Est-ce que c'est où, du coup, j'ai pas... Sinon, c'est pas grave. Oui, mais au moins, allez voir donc, l'exposition de Romain Marie. Romain Marie. Ah oui, je connais. Oui, effectivement. Oui. Et, petite question en lien. Est-ce que c'est dans tes habitudes, toi qui créer énormément, qui est un artiste, de te déplacer au musée, d'aller dans des musées, dans des expositions? Est-ce que c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire, qui t'inspire aussi, toi, de ton côté? Oui. Ou est-ce qu'au contraire, quand tu crées, t'es dans ta grotte et il ne faut pas te déranger? Alors non, quand je crée, je suis dans ma grotte, bien évidemment, et la nuit, surtout, quand tout le monde est au lit, donc je peux vraiment faire plusieurs heures sans devoir couper pour la création. J'aime bien être dans ma grotte. Par contre, j'adore aller dans les musées. J'adore le musée des Beaux-Arts de Nancy parce que le fameux. J'ai découvert une richesse qui est incroyable. Et je dis toujours, la Lorraine, elle a pas mal de choses en lien avec l'Italie. Et l'Italie, dans l'Italie, il y a beaucoup de choses dans un petit peu toutes les villes, justement parce qu'elle a été toujours divisée en 100 mairies différentes, 100 empires différents. Et la Lorraine, la richesse de la Lorraine, c'est aussi qu'elle était indépendante de la France. Donc le roi Stanislas a fait tout pour se faire plaire la C'est Lorraine vrai. et sa richesse. Et je vois dans le musée des Beaux-Arts, j'ai trouvé des œuvres des artistes, même, il y a même un Caravaggio. Oui, c'est Il n'y vrai. a pas beaucoup de musées qui peuvent vanter Ah, d'avoir un c'est vrai. Caravaggio, mais il y a le Perugino, il y a énormément Il y a une d'artistes et variété qui d'une est très variété impressionnante. Ouais, impressionnante. bien sûr. Après, bon, il y a aussi des auteurs plus récents, Picasso, tout ça. Mais c'est la globalité, franchement, c'est Il y une a une richesse, variété qu'on une trouve quand même variété pas partout, incroyable et que j'aime effectivement. beaucoup. Je suis assez Après, d'accord. j'adore Émile Frion, donc Ah, ça joue aussi ça ce joue qu'on en retrouve aussi. pas mal là-bas. Alors, Parce... je tords un petit peu les règles de ma propre, de mon propre concept et de ma propre interview, mais est-ce que tu as été voir la dernière exposition sur Nancy en 1925? Parce que c'est une très belle exposition. Je sais qu'avec Gilles, on en a beaucoup parlé à ce micro, mais si tu n'as pas encore été la voir, on te Non, la recommande très fortement j'ai pas encore le temps. parce que Donc, c'est vraiment une époque, c'est vraiment le reflet d'une belle époque, et vraiment, on en a beaucoup parlé dans l'émission, et c'est une très belle exposition et à un ne... petit clin d'œil dans le Mac papier. Oui, Voilà, avec à ne l'article de surtout pas Victor. louper. Oui, c'est vrai que j'ai fait un papier à ce propos dans le magazine papier, comme ça on peut faire nos petits liens. Le dernier film que tu es allé voir au cinéma, ou le dernier film que tu as vu tout court? Alors, non, au cinéma, il y a un film que j'ai beaucoup aimé, que j'ai vu ici à la Commanderie au Caméo, et c'était Gloria. Ah oui. C'était un film sur la musique, mais aussi sur la femme, sur la difficulté des femmes de montrer ce qu'elles savent faire. Et je trouve qu'il était vraiment beau. J'ai adoré ce film, Et même alors, s'il n'a pas eu peut-être le succès qu'il méritait, ah, c'est bien dommage. parce que selon moi, il était vraiment très, C'est très un beau. très beau film, beaucoup plus subtil que ce que les gens ont pu en dire. Et quel est ton film préféré Alors, entre tous, ou celui qui te tient le plus à cœur? moi j'aime bien Sergio Leone, Ah oui, et Sergio donc Leone. mon film préféré, c'est Il y avait une fois en Amérique, Ah. avec Robert De Niro. C'est un film magnifique, hein. Un chef-d'œuvre Ah ouais. à voir. Mais il faut avoir le temps, hein, parce que je sais plus si c'est plus de 3 heures ou plus de 4 heures, mais Oui, c'est long, c'est long. il est assez long, mais il faut au moins ce temps-là pour développer Mais des hier décors. soir, j'ai revu un film que j'aime beaucoup aussi, que c'est Piccolo Grande Uomo, c'est avec Dustin Hoffman. Ah, C'est alors l'histoire. ça ne me dit rien du tout Oh, pour le oui, coup. mais c'est un film. Je ne sais pas le titre en Ah, français. mais En c'est effet, c'est l'histoire de pas grave. Dustin Hoffman qui partage sa vie entre les Indiens et les Blancs. Et c'est une histoire vraie qui a été écrite par un journaliste qui a interviewé un Indien, un métis, je ne sais pas comment l'expliquer, Mmh, bien sûr. qui avait plus de 100 ans et qui avait raconté toute l'histoire D'accord. avec aussi la bataille avec le général Custer et toutes les violences qui avaient été faites par les Blancs sur les Indiens. Et c'est magnifique. Donc, si tu ne le connais pas, il faut Il le faut que découvrir. je Il faut regarde. le découvrir. C'est noté, c'est noté. Mais c'est long aussi. Hein. C'est long. Moi, C'est long aussi. ça n'est pas grave, ça n'est pas grave. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut au moins ça. Voyez, nous aussi, on prend nos petits calepins avec Gilles et on note les choses. Par la suite, donc, excusez-moi, j'ai eu une absence. Est-ce que tu as une série, un documentaire à nous recommander? Non, moi j'aime bien tous les documentaires qui parlent d'art. En effet, j'ai une émission, j'ai le satellite, donc je regarde les émissions qui parlent beaucoup d'art. Donc, l'histoire des artistes, et j'aime bien tout ça. J'ai peut-être une recommandation pour toi en fin d'émission. Ah ouais. quel est ton dernier coup de cœur musical cette fois-ci? En ce moment, je suis vraiment tombé amoureuse de mes morceaux. C'est très désolé, bien. Je suis désolé, mais mon ami m'a vraiment étonné avec David V, donc. La musique qu'il a réussi à mettre sur mes mots. Et franchement, j'adore. Et j'invite tous les auditeurs de Fadjet. On en a passé donc deux morceaux dans cette émission, ainsi qu'un poème de Marco qu'il nous a lu tout à l'heure. Et c'est vraiment effectivement très beau, que ce soit au niveau des textes ou de la musicalité. Donc surtout n'hésitez pas à aller y jeter une oreille. Et enfin, pour finir cette mise en lumière, quel est ton album préféré, ton disque préféré de tous les temps? Ah oui, là... compliqué celle-ci. Là, hein. C'est compliqué. Ouais. Moi, quelle est la première chose qui te vient en tête? Bon. Carlos Santana. Ah oui, ouais. Mais aussi les Pink Floyd, bon, y en a plein. Ouais. C'est bien noté. Allez jeter une oreille également à ces artistes-là qui sont des artistes majeurs. Je pense que vous pouvez tout écouter. Tout est bien. Avant la dernière partie de cette émission et de conclure, Gilles, tu voulais dire un mot peut-être? Oui, une petite info. Enfin, c'est un hommage. On a appris, donc il n'y a pas longtemps, c'est en début de semaine, que Nicole Granger nous a quittés, et pour moi, pour beaucoup de générations, voilà, d'étudiants de partout en France, c'est une personnalité incroyable. Au-delà d'être un grand professeur d'université, voilà, elle nous a fait tomber dans la marmite. On lui doit tout, pour la lecture pour tous, le travail sur l'illettrisme, sur l'inclusion dans ce domaine-là. Elle a créé des choses formidables auxquelles on a participé, donc les bus, chocobus, chocolecture, plein de choses au niveau culturel, théâtral, pour la littérature. Et jusqu'au dernier jour, elle accueillait des étudiants, des artistes pour les sensibiliser. Et pour nous, bon, elle sera toujours dans nos cœurs, mais c'est un immense vide. Voilà. Et Nicole Granger, vraiment bravo à tout ce qu'elle a pu faire dans la région et bien au-delà. Merci pour tes mots et pour cet hommage, Gilles. Alors, pour terminer la dernière partie donc de cette émission, c'est une rubrique que nous ne mettons pas toujours dans l'émission, mais cette fois-ci, avec la venue de Marco, j'en avais envie. C'est le coup de projecteur. Le coup donc de projecteur, c'est, vous connaissez le principe, le fait de mettre en lien avec notre invité une œuvre, ça peut être un livre, un tableau, une musique, un film qui permettrait de faire d'éventuelles passerelles. Et il se trouve qu'en préparant cette émission, je terminais un roman et que j'avais très envie d'en parler à l'antenne alors qu'on évoquait de l'art. Cet ouvrage, il s'appelle La Nef de Jéricho. C'est un ouvrage qui est sorti en janvier 2025, donc il y a pratiquement un an, et qui a été écrit par l'académicien Patrick Grinville. C'est un texte qui revient sur les coulisses de la création du tableau de Jéricho, Le Radeau de la Méduse, qui explique notamment donc les sources d'inspiration ou encore les difficultés que Théodore de Jéricho a pu avoir lorsqu'il a créé ce tableau, hein, avec toutes ses esquisses, tout ce qu'il a pu mettre en œuvre pour préparer ce tableau, et vous allez être surpris par un certain nombre d'aspects, j'en suis sûr. Patrick Grinville, vous le connaissez évidemment parce qu'il s'agit de l'auteur des flamboyants prix Goncourt 1976, qui se caractérise par un style extrêmement baroque, qui a déjà évoquer l'art sous sa plume, hein, à travers notamment des œuvres sur Jacques Callot dans La Lisière, ou encore Okuzai récemment avec Le rêve de la femme pêcheur, qu'il a évoqué dans un texte qui s'appelait donc Le baiser de la pieuvre. Dans ce texte, donc, La Nef de Jéricho, vous retrouverez son style caractéristique et baroque, avec de grandes envolées lyriques, des métaphores dans tous les sens et des comparaisons qui nous permettent d'avoir une vision globale de l'œuvre. Et je tenais quand même à le préciser dans cette émission parce que c'est un texte qui parle d'inspiration et qui montre parfois à quel point ça peut être un bonheur et un plaisir, comme on en a déjà parlé, de créer, mais à quel point parfois ça peut être très compliqué de créer, et ça peut avoir des conséquences sur les personnes, surtout au 18e et au 19e siècle. Donc voilà, c'est ma petite recommandation. D'accord. Pour Marco, qui s'intitule donc La Nef de Jéricho de Patrick Grinville. N'hésitez surtout pas à y jeter un œil parce que ça vaut vraiment le détour. D'accord. Je crois qu'on arrive à la fin de cette émission. Je suis ravi de l'avoir animée en votre compagnie. Merci à Marco Perna d'être venu. Merci à toi de m'avoir invité. Je rappelle une dernière fois, donc, allez faire un tour à son exposition pour la découvrir. Donc, Nouvel Élan à la médiathèque de l'Axou. Ça commence le 28 janvier et vous pouvez venir nombreux au vernissage qui aura lieu le 29 janvier. Merci à Gilles aussi pour ses mots, pour cet agenda. On retrouve donc cette émission. À tous. Merci. On retrouvera donc cette émission en podcast et en replay sur le site de Fadjet. Je rappelle les réseaux sociaux, le site Lumière en Art, les Facebook Lumière en Art officiel, l'Instagram Lumière en Art, et vous pouvez réécouter cette émission en podcast autant que vous voulez. Je vous souhaite donc un très bon mois de janvier. On se retrouve le mois prochain, le mois de février. D'ici là, cultivez-vous, sortez. Merci à tous. Ciao.